Chapitre 12. Bien que Fourcy n'eût jamais eu grande estime pour le père Ladret, qu'il recevait plutôt par habitude que par amitié, et parce que celui-ci s'invitait lui-même le plus souvent à venir à Nogent en disant que de toutes les maisons amies où il allait, c'était celle où il se plaisait le mieux, il était cependant trop poli pour suivre le conseil que sa femme lui avait donné et fausser compagnie à son hôte. Il l'introduisit donc au salon, et tandis que Madame Fourcy montait chez elle pour se débarrasser de sa toilette de ville, il resta avec lui, et comme il fallait bien un sujet de conversation entre eux, il prit celui qui occupait son esprit, la visite de M. Amédée Charlemont, qui venait à Nogent pour la première fois. Puis ce nom de Charlemont l'amena à parler du changement qui venait de s'accomplir dans sa situation. Alors ce furent de grands compliments de la part de Ladret, qui pour la première fois admit l'idée que son ami Fourcy pouvait bien être quelqu'un. Madame Fourcy redescendit, et ce fut seulement après un temps assez long de conversation générale que Fourcy laissa sa femme seule avec Ladret. « Je vais voir si les enfants n'ont pas besoin de moi, » dit-il en s'excusant. « Vous permettez ?»« Vous savez que je ne me suis jamais gêné pour personne. Cela fait que je ne demande pas qu'on se gêne pour moi. » Aussitôt que Fourcy fut sorti, Ladret se renversant en arrière au fond de son fauteuil, en allongeant une jambe et en repliant l'autre, introduisit la main dans la poche de son pantalon. Mais ce ne fut pas sans peine qu'il accomplit cette opération. D'abord parce que sa main était grosse, ensuite parce que son ventre, qui était proéminent, tombait sur ses cuisses et les recouvrait. Enfin il réussit, et des profondeurs de cette poche, il tira un petit écrin en velours qu'il présenta à Madame Fourcy d'un air triomphant. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » demanda-t-elle avec indifférence. « Ça ? » dit-il, étonné. « Ça ? C'est deux perles noires que j'apporte à ma belle Geneviève. » Et en même temps il ouvrit l'écrin pour montrer de grosses perles noires dont l'éclat métallique se détachait nettement sur la blancheur du velours. Mais elle ne parut pas le moins du monde éblouie. « Et à quel propos m'apportez-vous ces perles ? » demanda-t-elle. « Faut-il répondre franchement ? » « Sans doute. » « Eh bien, c'est à propos de ce qui s'est passé entre nous en ces derniers temps. » « Et que s'est-il donc passé de particulier, je vous prie ?»« Rien de particulier, il est vrai. » Mais dans l'ensemble, ça n'a guère marché. Alors, j'ai pensé que si j'étais gentille pour ma belle Geneviève, de son côté, voudrait être gentille pour son vieux Ladret. Et d'autant mieux qu'après avoir eu les pendants d'oreilles, elle aurait envie d'avoir le collier de perles. Alors, c'est un marché. Est-ce que tout n'est pas un marché dans la vie? Pour vous, peut-être, pour moi, non. Tiens, et je n'accepte pas celui-là. Il la regarda un moment d'un air ahuri, tenant toujours son écrin ouvert. Puis tout à coup, clignant de l'œil, « Et celui du collier ? » dit-il. « Pas plus celui du collier que celui des pendants. Vous pouvez donc refermer cet écrin et le remettre dans votre poche. » Il ne se le fit pas répéter, et cette fois il trouva sa poche beaucoup plus facilement pour y remettre l'écrin qu'il ne l'avait trouvé la première fois pour l'en sortir. Cela fait, il la regarda en face pour lire sur son visage ce qui se passait en elle, mais il ne le devina pas. « Ah ça, que se passe-t-il donc ? » demanda-t-il. « Vous ne le comprenez pas ? Dame ? Eh bien, puisque vous voulez que je vous parle clairement, je vous obéis. À partir d'aujourd'hui, tout est fini entre nous. » Il resta un moment abasourdi, puis secouant la tête, « Ah ça, voyons ! » dit-il. « Tu te moques de moi, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que toutes ces grimaces ? Au lieu de me faire une scène, dis tout de suite ce que tu veux, si c'est à cela que tu dois arriver. Nous verrons. » Elle avait jusque-là parlé avec calme, avec hauteur, mais ces derniers mots lui firent perdre ce calme, et vivement elle répondit. « Je vous ai dit ce que je voulais. Je vous le répète, que tout soit fini. Cela est rien autre chose. » « Mais pourquoi ? Parce que la vie que vous m'avez imposée me fait horreur. » De nouveau, il la regarda, et avec une réelle stupéfaction. Mais une fois encore, il cligna de l'œil d'un air fin. « Voyons, avoue que tout ça, c'est parce que je t'ai refusé les actions du charbonnage de Saucry, dont tu avais envie. Eh bien, je te les donnerai, mais nous ferons la paix, n'est-ce pas? Et tu seras gentille. Dis que tu le seras, hein ?» Elle était assise en face de lui. Elle se leva d'un bond et vivement elle fit le tour du salon pour s'assurer que toutes les portes étaient fermées. Alors, revenant vis-à-vis de lui et restant debout, « Je vous ai dit tout à l'heure que la vie que vous m'aviez imposée me faisait horreur. Mais je n'ai pas été franche jusqu'au bout, car j'aurais dû ajouter que vous aussi me faisiez horreur. Vous voulez que je vous le dise? Vous me poussez à bout. Vous m'outragez. Je n'ai plus à vous ménager, vous qui m'avez perdue. Vous que je hais et que je méprise parce que vous m'avez fait la femme que je suis depuis 10 ans et que je ne veux plus être. Ai-je été à vous ou bien êtes-vous venu à moi ? Oui, j'ai été à vous, cela est vrai. J'y ai été parce que vous étiez riche et surtout parce que je vous croyais un honnête homme. Et vous êtes venu parce que vous vouliez de l'argent ? Et pourquoi le voulais-je, cet argent ? Pour payer vos pertes à la bourse ? Et comment les avais-je fait, ces pertes ? Que m'importe? Il m'importe à moi. Voyant que l'honnête homme qui était mon mari et que j'aimais ne voulait pas faire d'affaires, j'ai cru que je pourrais en faire, moi, et que je gagnerais sûrement en profitant des renseignements ou des indiscrétions que j'entendais autour de moi. Il est arrivé un jour où, au lieu de gagner, j'ai perdu. Il fallait payer, je ne le pouvais pas. J'ai eu alors l'idée funeste de m'adresser à vous, parce que je vous l'ai dit, je vous savais riche, et parce que je vous croyais un honnête homme, et puis aussi parce que vous étiez un vieillard. Vous m'avez répondu que vous ne prêtiez pas à une femme, mais que vous lui donniez quand elle voulait être gentille. C'était votre mot, il y a 10 ans, comme c'est votre mot encore. Je me suis sauvée. Et vous êtes revenu ? Oui, quand après avoir frappé à toutes les portes, j'ai vu qu'il ne me restait qu'à m'adresser à mon mari que j'aimais ou à vous que je haïssais. Le premier pas fait, j'ai continué, et j'ai été âpre à l'argent, avec fureur. Tout ce que j'ai pu tirer de vous, je l'ai tiré avec joie, avec bonheur, sans autre regret que de ne pouvoir pas vous ruiner. Mais aujourd'hui, je ne veux plus de cet argent, et vous m'offririez votre fortune entière que je ne l'accepterai pas. Comprenez-vous, maintenant que j'ai parlé, que tout est fini entre nous ? Sortez donc de cette maison pour n'y revenir jamais. Sortez-en tout de suite. J'expliquerai votre départ. Vous avez été indisposé. Partez. » Et comme après un long moment d'attente, il n'avait pas bougé, elle poursuivit. « Mais partez donc, partez !» Il ne bougea pas davantage, et il resta dans son fauteuil à la regarder, réfléchissant. Enfin, il se leva, mais ce ne fut pas pour partir. Pendant qu'elle parlait, il avait passé de l'étonnement à la stupéfaction, puis quand il avait compris, de la stupéfaction à la colère. Maintenant, il paraissait avoir repris ses esprits et jusqu'à un certain point, son sang-froid. « Bon, dit-il, je comprends cet accès de vertu qui vous pousse subitement en voyant que vous pouvez être riche par votre mari. C'est la contrepartie de celui qui vous a poussé. Mais pas de vertu, celui-là, quand vous avez cru au bout de 10 ans d'attente que vous ne le seriez jamais par lui. De sorte que vous avez voulu gagner vous-même la fortune qu'il ne vous gagnait pas, et vous avez travaillé pour ça. J'en sais quelque chose, et si ce mobilier pouvait parler, il serait mon témoin. Mais cet accès de vertu qui vous prend aujourd'hui, ça ne durera pas. Vous n'êtes pas une femme de vertu, ma belle dame. Vous êtes une femme d'argent, une femme qui comprend la vie, une femme qui ne se débarrassera pas du jour au lendemain d'idées, de besoins, de satisfactions qui sont les siens depuis 10 ans, et si bien en elle qu'ils sont sa seconde nature, la vraie celle-là. La solide, celle qui vous a, qui vous tient et ne vous lâche pas. Vous reviendrez donc à l'argent, et à moi, je vous le dis. Et j'ajoute que ce jour-là, malgré tout ce que vous venez de me dire, vous me retrouverez, parce que moi aussi je suis à vous comme vous êtes à l'argent, et que je ne pourrai pas plus me détacher de vous, que vous ne pourrez vous détacher de vos idées, de vos habitudes et de vos besoins. Je peux bien vous dire que je l'ai essayé plus d'une fois, quand vous aviez fait une trop forte saignée à ma bourse, et que je n'ai pas pu. Je pars donc tranquille, bien certain que nous nous retrouverons un jour, beaux amis. Jamais. Alors l'accès de vertu que je suppose n'existerait donc pas, et cette scène n'aurait d'autre but que de me faire céder la place au petit Robert Charlemont, ou bien à son père qui entre aujourd'hui dans cette maison d'où je sors. Vous êtes fou, fou d'une folie sénile. Il secoua la tête par un geste qui disait qu'il ne se sentait pas atteint. Et il continua. ou bien encore au marquis Colliot, au bel Évangélista, bien que je ne croie pas beaucoup à celui-là malgré sa beauté. Et cela pour deux raisons. La première, c'est que vous voulez en faire un gendre qui vous débarrasse de votre fille devenue trop grande et par la gênante pour vos affaires. Quand elle était en pension, c'était bon, vous pouviez aller et venir. Mais maintenant que vous l'avez près de vous, ça vous oblige à toutes sortes de manœuvres embarrassantes, car ça voit clair les jeunes filles. La seconde raison, c'est que le bel Évangélista, qui est vraiment fait pour tourner la tête des femmes, n'est riche qu'en beauté, et que vous êtes trop femme d'argent pour prendre un amant pauvre. À ce moment, il fut interrompu par la porte du salon qui venait de s'ouvrir. On annonça « Monsieur le marquis Colliot ». Chapitre 13. Le père Ladret n'avait pas été trop exagéré en disant que le marquis Colliot était fait pour affoler les femmes. C'était en effet un très bel homme, sans rien d'efféminé cependant. Grand, bien pris, souple, élégant et gracieux de manière, avec une de ces belles têtes italiennes, larges au front, minces et fines au menton, qui semblent avoir été modelées dans un triangle allongé. La chevelure était noire et luisante, comme les ailes d'un corbeau. Les yeux étaient ardents et veloutés, et sur la blancheur de la peau un peu grenue, se détachaient vigoureusement des moustaches soyeuses, assez minces pour ne pas cacher des lèvres roses et des dents nacrées. Après les premières paroles de politesse qui furent courtes, au moins de la part de Madame Fourcy, celle-ci revint au père Ladret et parut continuer un entretien interrompu. « C'est bien réellement que vous voulez vous retirer, » dit-elle, « et toutes mes instances seront donc vaines pour vous retenir ?» Mais elle lui coupa la parole, ne voulant pas lui permettre de répondre dans un autre sens que celui qu'elle entendait lui tracer et l'obliger à suivre. « Au reste, je serais désolée de penser que pour notre plaisir, vous avez aggravé votre indisposition. » « Monsieur Ladret souffrant ?» demanda Évangélista d'une belle voix sonore, et avec un léger accent, qui dans une bouche aussi gracieuse était un agrément. Vivement, Madame Fourcy prit les devants et répondit elle-même à cette interrogation. Monsieur Ladret était venu pour passer la journée avec nous, mais en nous attendant, car nous rentrons seulement, il a pris froid dans le jardin, sous l'ombrage trop frais des platanes, et il vient d'avoir un mouvement fébrile qui l'oblige à nous quitter. Et elle regarda Ladret, comme pour lui dire qu'il devait trembler de fièvre, mais il n'en fit rien, abasourdi qu'il était, autant qu'émerveillé, de la façon dégagée dont elle le mettait à la porte. « Et au moment même où vous êtes entré, il se retirait, » continua-t-elle, en avançant sur Ladret, comme pour le pousser dehors. Mais ses regards étaient si affectueux, sa parole était si douce, qu'il fallait savoir ce qui venait de se passer entre eux, pour deviner ce qu'il y avait réellement sous ses regards et cette parole. Ladret recula, alors elle avança plus hardiment, le dominant, le poussant du regard, des mains, de toute sa personne. Elle le conduisit ainsi jusqu'à la porte, lui parlant toujours doucement, lui prodiguant les plus vives démonstrations de sollicitude et de sympathie, le meilleur des amis, un père. Mais lorsqu'elle lui eut ouvert elle-même la porte, il s'arrêta un moment et regarda autour de lui. Le marquis Colliot était dans l'embrasure d'une fenêtre à l'autre extrémité du salon. Penché sur une jardinière dont il examinait les fleurs, il n'y avait donc pas à craindre qu'il entendît ce qui se disait dans l'embrasure de la porte, pourvu qu'on eût la précaution de baisser la voix. Alors il se pencha vers Madame Fourcy. « Tu sais, » dit-il, en frappant d'une main sur sa poche et en lui soufflant ses paroles, « les perles ne retourneront pas chez le bijoutier. Elle reste à ta disposition. Mais partez donc. Et les actions du charbonnage, quand tu voudras, elles sont présentement à 11 500. » Il n'en put dire davantage, elle poussait la porte sur lui. Mais cela suffisait, elle lui reviendrait. L'offre des actions produirait sûrement son effet. Jamais il n'avait vu personne résister à l'argent quand la somme était assez grosse. Vivement, légèrement, Madame Fourcy revint à Évangélista. « Voilà une indisposition que je bénis, » dit celui-ci. « Comment, » s'écria-t-elle, « vous vous réjouissez de ce que ce pauvre monsieur Ladret est malade ? Il n'est pas si ennuyeux que cela. Je vous assure que c'est un excellent homme que nous aimons beaucoup. » « Excellent homme, je ne dis pas, mais ennuyeux, je le soutiens, au moins en ce moment. » Il avait dit ces quelques mots légèrement, mais arrivé là, il changea de ton, et sa voix prit une gravité tendre, tandis que son regard s'adoucissait et que son attitude se faisait caressante. Car en ne s'en allant pas, il m'eût privé du tête-à-tête qu'un heureux hasard nous ménage. Mais elle l'arrêta d'un geste simple et net, où il n'y avait ni effarement, ni coquetterie. « Je vous en prie, » dit-elle, « n'allons pas plus loin. »« Vous ne voudrez donc jamais m'entendre ?» Ils étaient debout au milieu du salon. D'une main, elle lui montra un fauteuil, tandis que de l'autre, elle en tirait un pour s'asseoir en face de lui. « Non, monsieur le marquis, non, » dit-elle avec une fermeté douce, « je ne consentirai jamais à vous entendre sur ce sujet. Mais puisque malgré mes prières, vous avez voulu une fois encore l'aborder, c'est vous qui m'entendrez. » Et avec un sourire qui prouvait combien elle était calme et pleinement maîtresse d'elle-même, sans trouble, sans émotion, aussi bien que sans colère. « Ainsi, nous trouverons à bien employer le tête-à-tête qu'un heureux hasard nous ménage. Oh, « Ah, madame, vous êtes cruelle de traiter légèrement un sujet qui m'émeut si profondément. »« Légèrement ? Non, certes, mais sérieusement, au contraire, comme la chose la plus grave et la plus importante de ma vie, soyez-en convaincus. En m'écoutant, vous allez bien le voir. Si je vous disais que je n'ai pas été sensible aux attentions dont j'ai été l'objet de votre part, je ne serais pas sincère. En me voyant, moi, vieille femme, oh madame, trouvez-vous donc qu'on soit jeune quand on approche de la quarantaine ? Oubliez-vous que nous fêtons aujourd'hui le 20e anniversaire de notre mariage ? Donc j'avoue qu'en me voyant, moi, vieille femme, produire une certaine impression sur un homme jeune, élégant, distingué, plein de mérite, j'ai éprouvé un sentiment de vanité féminine que je ne chercherai pas à cacher. Mais d'autre part, je dois vous dire avec une entière franchise que ma vanité seule a été émue. » Évangélista ne fut pas maître de retenir un mouvement. « Que cet aveu ne vous blesse pas, » dit-elle. « Il ne vous atteint en rien dans vos mérites, qui, je le reconnais, sont grands. Il n'atteint que moi. Sans doute, à ma place, plus d'une autre femme eût été touchée au cœur. Mais je ne suis point de ces femmes au cœur sensible. Je ne suis qu'une bourgeoise, monsieur le marquis, une bonne petite bourgeoise qui n'a jamais rien compris à ce qu'on appelle la passion. À vrai dire, je ne sais pas ce que c'est. Et quand j'ai vu des femmes sacrifier leur honneur, leur tranquillité, leur vie parce qu'elles aimaient, disait-on, cela m'a toujours paru inexplicable. Je sais bien que l'amour tient une grande place dans les livres et qu'il y a toute une littérature qui raconte ses joies, ses chagrins, ses désordres, mais je ne vois pas qu'il en tienne une semblable dans la vie ordinaire. Niez-vous donc la passion ? Je ne la nie ni ne l'affirme. Je dis seulement que pour moi, je ne la comprends pas, ou si vous voulez que je ne la sens pas. Sans doute, c'est infirmité de ma nature, mais enfin je suis ainsi, et non autre, croyez-le, car je vous parle avec une entière franchise, une sincérité absolue, en pesant mes paroles que j'adresse à un homme qui m'inspire autant de sympathie que d'estime, et que je veux, que je dois éclairer, puisqu'il s'est trompé sur mon compte. Jeune, j'ai pensé, j'ai senti ainsi, et en vieillissant, mes idées et ma manière de sentir se sont affirmées. Elles ne se sont pas démenties. C'est que vous n'avez jamais été aimée. Et si... Elle lui coupa la parole. « Je ne vous comprendrai pas, » dit-elle en répondant à l'avance à ce qu'il allait dire. « Et puis n'oubliez pas que j'aime mon mari. Mon Dieu, ce n'est pas de cet amour passionné que je ne comprends pas, mais c'est d'une affection réelle et sincère. Mon mari est pour moi le plus honnête homme et le meilleur homme du monde. Il n'a eu qu'une visée dans la vie, mon bonheur et le bonheur de ses enfants. Je ne vais pas, moi, m'exposer à faire son malheur. Et pourquoi ? Entraîné par quoi ? Je l'ignore. On ne fait quelque chose que dans un but, n'est-ce pas ? On ne commet une faute ou un crime qu'en vue d'un intérêt certain. Eh bien, moi, je ferai cette chose sans but. Je commettrai cette faute sans intérêt. Vous comprenez que c'est impossible et que l'amour ne peut pas entraîner une femme qui ne sent point l'amour, la passion à un cœur qui n'est point passionné. Il était impossible d'être plus net et de dire plus clairement « Vous avez cru, mon beau jeune homme, que vous n'auriez qu'à me regarder d'un air tendre et à me parler d'amour pour me faire tomber dans vos bras. Eh bien, vous vous êtes trompé, attendu que ma nature est complètement insensible à ce qui est tendresse et à ce qui est amour. Des sens, je n'en ai pas. Un cœur, je n'en ai pas davantage. Je suis une femme de tête, rien de plus. Et vous seriez encore plus beau que vous n'êtes, encore plus séduisant, que vous ne me donneriez pas ce qui me manque. Passez donc votre chemin, et ne perdez pas votre temps. » Cependant, Madame Fourcy n'avait pas dit encore tout ce qu'elle voulait dire. Elle n'était point encore arrivée au bout de la ligne qu'elle s'était tracée. Maintenant, il fallait qu'elle s'occupât de Marcel. « J'ai cru devoir, dit-elle, vous donner cette explication loyale, non seulement pour vous et pour moi, mais encore pour ma fille. » Évangélista la regarda, surpris. « Je vais m'expliquer, continua-t-elle, car je tiens à ce qu'il n'y ait entre nous rien d'ambigu. Voulant justifier aux yeux de tous votre assiduité dans cette maison, vous avez publiquement fait la cour à la fille pour cacher celle que vous faisiez secrètement à la mère dont vous vouliez sauvegarder la réputation. Et cela sans penser que vous pouviez compromettre celle de la fille. C'était là un jeu dangereux, dont vous n'avez pas, j'en suis certaine, mesuré toutes les conséquences. Car enfin, il n'y avait pas que le monde qui pouvait prendre ce jeu au sérieux. Il y avait aussi la jeune fille. Que serait-il arrivé si elle s'était intéressée aux sentiments qu'on lui témoignait? S'y est-elle intéressée? Je ne veux que vous poser ces questions. Vous les examinerez. Encore un seul mot. « Monsieur Fourcy devient l'associé de la maison Charlemont. Cela crée une position à Marcel, et il ne faut pas qu'elle soit exposée à manquer les beaux mariages qui vont se présenter pour elle. » Évangélista allait enfin répondre, mais Marcel et Fourcy, en entrant dans le salon, l'empêchèrent de prendre la parole. Chapitre 14. Jamais Madame Fourcy n'avait été aussi jolie qu'en se mettant à table. Elle eût assurément fait la conquête de Monsieur Amédée Charlemont placé à sa droite, si celui-ci avait pu prêter attention à une femme qui avait dépassé la trentaine. 25 ans pour lui était déjà un âge vénérable. 30 ans quelque chose d'antédiluvien. Et puis quand on avait de grands enfants comme Lucien et Marcel, on n'était plus une femme, on était une mère. Il les respectait, les mères, c'est-à-dire qu'il leur adressait la parole de temps en temps, sans trop savoir ce qu'il leur disait et sans suivre ce qu'elles lui répondaient. Mais il ne les regardait pas et même il ne les voyait pas, ayant le bonheur d'être ainsi organisé que ce qui lui était désagréable ou antipathique n'existait pas pour lui. Ce qui faisait la beauté de Madame Fourcy ce soir-là, ce n'était point une toilette bien réussie, car elle n'avait jamais été plus simplement habillée, plus modestement, sans un seul bijou, comme une bonne petite bourgeoise, ne portant à sa main, ordinairement brillante de pierreries, qu'un seul petit anneau d'or, celui de son mariage. C'était l'éclat de la physionomie, la gaieté du regard, la sérénité du sourire qui reflétait sur son visage la satisfaction profonde d'une âme parfaitement heureuse. Et de fait, elle l'était pleinement. Pour la première fois depuis 10 ans, elle se trouvait débarrassée de tout souci, de tout tracas, et sa situation était celle d'un commerçant qui se retire des affaires après fortune faite. En elle, autour d'elle, partout où elle portait les yeux, elle ne voyait que des sujets de satisfaction. Son mari, son bon Jacques, en passe de gagner rapidement des millions et de faire grande figure dans le monde. Lucien, l'héritier et le successeur de son père. Marcel, une grande dame, une marquise, car Evangelista, bien certainement, allait maintenant se retourner de ce côté, et elle aurait le plaisir d'avoir pour gendre un homme charmant dont elle n'avait pas voulu pour amant. Le vieux, l'horrible, l'infâme l'adrait congédié. Robert en bonne voie de guérison, car puisqu'il avait accepté la combinaison d'une maîtresse